PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus, vous entendez une autre émission de la Radio Pokajou International. Je suis Mélissa Suarez-El Real, comme d'habitude très très contente de vous accueillir. Et pendant les trois dernières semaines, on a dédié nos émissions à trois divinités du panthéon pokajoutien. Et aujourd'hui, on voudrait continuer avec cette série d'émissions dédiées à ces sujets qui nous semblent très très intéressants. Aujourd'hui, on voudrait dédier notre émission à une divinité qui nous semble très particulière. Le Pokajou est un pays où le silence et la musique sont une partie très importante de la vie des citoyens. Mais le silence, lui aussi, intéresse beaucoup aux citoyens pokajoutiens. Et parce que pour nous, le silence est synonyme d'introspection, de calme, de solitude. Et en fait, c'est grâce au culte à Shu, la déesse du silence, que nous arrivons à pratiquer une forme de méditation focalisée sur les qualités du silence. En fait, peut-être vous le savez déjà, mais le célèbre John Cage a changé la façon dont il concevait le son après son passage par notre île, et notamment par les temples dédiés à Shu, la déesse du silence, mais aussi la déesse de la subtilité, de la solitude, des secrets et de la discrétion. Voici une première chanson dédiée à cette divinité, parfois représentée comme une hirondelle. Voici justement The Swallow Song ou la chanson de l'hirondelle de Mimi et Richard Farigne. On vient d'entendre The Swallow Song, une chanson de Mimi et Richard Farigne. L'histoire de Shu, la déesse à qui on va dédier notre émission d'aujourd'hui, est aussi fascinante que celle des autres divinités dont on a parlé dans les émissions passées. En fait, selon le mythe recueilli dans le Puneje, après que Pokach, l'énorme pierre contenant tous les objets de l'univers, ait explosé, Punach, la déesse créatrice, a mangé trop d'étoiles. Chou, elle a regardé à Punach manger toutes ses étoiles sans bouger. Mais quand elle a finalement vomi, créant ainsi la Voie lactée, Chou s'est tue, même s'il avait regardé toute la scène cachée derrière une pierre. Puisque Punach avait honte de sa gloutonnerie et Chou, le seul témoin, n'avait rien raconté aux autres divinités, Punach a offert à Chou l'endroit le plus confortable du ciel pour lui remercier sa discrétion. Selon les livres sacrés, la maison de Chou se trouve très très haut dans le ciel pour qu'elle soit à l'aise, mais aussi pour qu'elle continue à être discrète. Depuis ce moment, elle est devenue la divinité reliée au silence, à la subtilité, à la méditation, au secret et à la discrétion. Et c'est elle la seule divinité dispensée de la danse rituelle que le reste des divinités doivent faire pour Punach. En tout cas, on voudrait vous montrer un morceau inspiré par cette danse mythique que Chou contemple depuis sa demeure céleste. Voici les dieux dansants, ou The Dancing Gods de Silver Apples. retour à la radio Pocahou internationale. Je suis Mélissa Suarez-El-Real. On vient d'entendre Dancing Gods de Silver Apples. Shu, la déesse du silence dont on parle aujourd'hui, est une déesse considérée comme étant très très gentille et se conformant avec des offrandes très simples. En fait, selon la religion pocahoutienne, les offrandes trop robustes ou grossières offendent à Shu, qui préfère les offrandes délicates, fines et subtiles. C'est la seule divinité qui demande de prier en silence, sans rien demander, parce que, selon la tradition, il sait déjà ce dont on a besoin. Le culte à cette déesse consiste d'abord dans le pèlerinage pour les différents temples dédiés à Shu. Pendant ce temps, les pèlerins doivent éviter de parler avec toute personne, même avec eux. En arrivant sur chacun des temples, les dévots lui offrent des fleurs de shuam, une fleur blanche très très fine, qui doit son nom à cette déesse. Mais aussi des petites bougies ou des papiers colorés. Les offrandes sont simples et doivent s'accorder avec les offrandes qui sont déjà sur les temples. Finalement, le pèlerin doit revenir à ce temple où l'on a préféré la qualité du silence et cacher une petite offrande quelque part. C'est là que la déesse devrait donner au dévot ce qu'il souhaite. En fait, Juana Molina connaît très bien les faveurs de Shu. Après des années sans inspiration pour enregistrer un nouvel album, Juana Molina est partie pour une retraite spirituelle chez les temples de Shuka au sud de Pocahou. Après 3 semaines de silence absolu, elle a finalement retrouvé l'inspiration pour créer un album subtil et délicat tel que Wet 20 ans. Voici Las Edades de Juana Molina. Je suis Melissa Suarez del Real. Merci de nous avoir accompagnés dans une nouvelle émission de Radio Pocahou International. À la prochaine. Pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !